Script audio, chapitre 5, le cercle des sentinelles. Ambiance sonore, bruit de pas rapide sur le goudron, froissement de papier que l'on déplie. Le brouhaha de l'université est plus présent, plus électrique. Narrateur. Le lundi matin, l'atmosphère de l'UCAD semblait chargée d'une électricité nouvelle. Aïcha ne baissait plus les yeux. Sous le grand baobab, elle retrouva Fatou, l'étudiante Wolof de Saint-Louis. Fatou était la rigueur faite femme, le refus des compromis. Voix de Fatou, vive, directe, assurée. Aïcha, j'ai entendu ce que tu as balancé à Alou. Tout le campus en parle. Tu as osé dire tout haut ce que tout le monde murmure, l'ODPM n'est pas un parti, c'est un syndicat d'escrocs. Voix d'Aïcha, déterminée. Ils préparent un poison, Fatou. Ils utilisent la langue peul pour masquer leur corruption. Si on les laisse faire, le Sénégal deviendra un tas de sable où chaque ethnie s'enfermera pour mieux haïr l'autre. Narrateur. Elles furent rejointes par Jean, l'étudiant casamançais. À eux trois, ils formaient une petite république, le Fouta, le Sine et le Sud. Voix des Jean, calme, posé. On va créer le cercle des sentinelles. Pas de drapeaux ethniques. On va dénoncer les faits, les détournements de bourse et l'escroquerie des Adia. On va opposer le sel de la vérité à leur sable. Narrateur. La riposte de l'ODPM ne se fit pas attendre. Le soir même, dans un couloir sombre de Claudel, Aïcha fut encerclée. Moussa était là, son visage jovial remplacé par un masque de haine. Voix de Moussa, sifflante, menaçante. Tu joues un jeu dangereux, Aïcha. Tu es une fille du Fouta, tu devrais être avec nous. On peut avoir une bourse pour la France, un poste après ta licence. Mais si tu restes avec ces étrangers, tu finiras par le regretter. Voix d'Aïcha, sans trembler. Tes bourses sont payées avec la sueur de mon père et de Mbissan, Moussa. Le seul étranger ici, c'est celui qui trahit la République pour son compte en banque. Narrateur. Moussa s'approcha, le poing serré. C'est alors que Fatou et une dizaine d'autres étudiants, de toutes origines, sortirent des ombres. Moussa recula. Le message était clair, Aïcha n'était plus seule. Elle était la tête d'un boulot qui commençait à se réveiller. Sonore, bruit de pas nombreux et cadencés qui s'éloignent, marquant la force du groupe. Ampoule électrique indication pour le narrateur. Le rythme, plus rapide que les chapitres précédents. On sent l'urgence de l'organisation. Fatou, elle doit avoir une voix qui claque. Elle est l'allié solide. Moussa, sa voix doit être mielleuse au début, puis devenir agressive et basse. Le final, prononcer le mot Mboulob avec une certaine fierté. C'est la force de l'union.